Tiens, c'est bien ça, le mec qui travaille. Moi, je fous rien. Moi, j'ai mon dos explosé, putain. J'en ai marre. De composer un truc.